Yes, man, ok, c'est Ousmane, on est Al. C'est là, c'est encore une spéciale pour l'homme que l'on nomme Soldier Beast. C'est la 15e man de Made in Unity. On est toujours là, on ne baisse pas les bras. Yes, Aya. Écoute ça. À dire des choses à penser, à se dépenser pour des causes pas toujours très sensées. Faut toujours se presser, endurer du stress et me faire comme si de rien n'était, en faire sa réalité, l'accepter comme elle est. Chaque matin se lever avec une épée Damoclès le tranchant sur la trachée. Toute la journée bosser, le boulet serré aux pieds, vivre la vie de ceux qui la vivent vraiment via la télé. Voilà ce qu'on nous propose pendant nos temps de pause. Facebook, Instagram dans ta rétine jusqu'à l'overdose. Brosse à cause de plein de choses et toujours sur fond rose. Des images et de l'hypnose qui t'éloignent des vraies choses. Je veux m'éloigner de ce système où règne la loi du plus puissant, où le peuple est pris pour un troupeau et là où les nations sont des enclos. Je veux m'éloigner de cette vision omniprésente de compétition. Je veux m'éloigner de cette manie de flouter ses valeurs pour du pognon. Shit, stay them. Wow, wow, wow. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je veux m'en éloigner vite fait. Wow, aïe, aïe, aïe, aïe. Je veux m'éloigner de ce shit, stay them. Wow, wow, wow. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je veux m'en éloigner vite fait. Faut qu'on respire, qu'on prenne conscience du soir, qu'on lâche pas. Qu'on passe plus de temps concentré sur le moment présent. Qu'on réfrène cette obsession qu'on a tous pour l'argent. Qu'on arrête d'essayer de cesser d'être de grands enfants. Qu'on s'adonne au jeu, au rire, qu'on le vive et puis qu'on le chante. Qu'on se raconte de belles histoires qui font plaisir à entendre. Qu'on arrête un peu de persister à ne pas s'entendre. Qu'on arrête tout court et puis qu'on se pose et qu'on se détende. Wow. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je veux m'éloigner de ce shit, stay. Wow, wow. Wow, wow, wow, aïe, aïe, aïe, aïe, je vais m'en éloigner vite fait.